qu'a percé son sang moi. Jordi la bien belle, gâté, on va même parler. Ouaba la mêla, la canne si kaila, qu'on voit la maille. Faut pleurer si moi, comme ça, nous caille toucher bonheur. Hello, douce. Hello. Hello. Hello, douce. On nous voyage loin. Hello, douce. Hello. Hello. Hello, douce. Laissez-nous aller. Alors la chose est claire. C'est ça qu'a fait.